بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 87 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, qui s'intitule Sharh Aqidat Ahli Sunnah wal Jama'ah. Et on est en train d'expliquer un des piliers de la foi qui est al-iman ou bil-yawm al-akhir, la foi en le jour dernier. Et on est arrivé à l'endroit dans ce point-là ou dans ce pilier où le cheikh il explique maintenant la foi en al-jannah ou al-nar, hein? C'est-à-dire le paradis et l'enfer. Et donc le cheikh, rahimahullah, il dit wa nu'minu bil-jannati wal-nar fal-jannatu darun na'im التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. Donc ici le cheikh il dit et nous croyons en le paradis et en l'enfer. Et le paradis c'est la demeure des délices, hein? La demeure des grâces et des délices d'Allah qu'il a préparé pour les croyants. Al-muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Allah et qui s'écartent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qui font ce que Allah a ordonné pour se protéger et se préserver de son châtiment. Ensuite, le cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit يعني فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين أعدها الله يعني أعدها الله يعني هي الآن موجودة وقال الله تعالى أعدت للمتقين أعدت أي هيئت الآن والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه ورأى فيها من النعيم ما رأى فهي موجودة الآن وأعد الله أعدها الله للمؤمنين المتقين وقولنا المؤمنين هذا يتعلق بالقلوب والمتقين هذا يتعلق بالجوارح. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé le paradis et l'enfer et il parle en particulier du paradis qui est la demeure des délices et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a préparé pour les pieux et pour les croyants et pour les pieux, c'est-à-dire qu'elle existe actuellement, cette demeure. C'est-à-dire que le paradis, il existe déjà. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour les pieux, donc il a été déjà préparé. C'est un endroit qui existe actuellement déjà. Et ça fait partie des croyances d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Parmi les preuves que le paradis existe déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « U'iddat lil muttaqin ». Ça a été préparé pour les pieux. Et également, parmi les preuves que le paradis existe déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est entré dans le paradis et qu'il a vu dans le paradis un palais qui a été préparé pour Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et également, il a entendu les pas de Bilal dans le paradis. Donc, c'est pour dire que le paradis existe déjà. Il a été préparé pour les pieux. Et il a vu dans le paradis toutes sortes de délices et de grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a préparées. Donc, elle existe déjà, il existe, le paradis existe déjà et Allah l'a préparé pour al-mu'minin, al-muttaqin. Et pourquoi pourquoi il a dit al-mu'minin et après il a dit al-muttaqin alors que les muttaqin sont les mu'minin et les mu'minin sont les muttaqin? Donc, pourquoi avoir mentionné les deux choses l'une après l'autre? Eh bien, c'est pour clarifier que Al-Mu'minin, c'est par rapport à ce qui est relié au cœur, et Al-Muttaqin, c'est par rapport à ce qui est relié au corps, c'est-à-dire aux actions du corps. Et le Cheikh, il dit ensuite وَفِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc, il dit le cheikh ici que dans le paradis, il y a des délices qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et aucun cœur n'a jamais imaginé, aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Et il mentionne le verset dans Sourate As-Sajda, « Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. » Donc, laissez-moi juste vous mentionner exactement le verset dont il s'agit. Fala ta'lamu nafsun, c'est le verset 17. Donc, eux, ils ont marqué 117. Donc, ce n'est pas 117, c'est 17. Le cheikh, il explique maintenant ce verset-là. Il dit, يعني قوله فيها ما لا في فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ليس في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثل هذا النعيم من حسن الأصوات والكلام الطيب والتحيات فيه وتحيتهم فيه سلام لا فيها غول ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وقوله ولا خطر على قلب بشر فلا يمكن أن يخطر على قلبك هذا النعيم أبدا فكل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب بالنسبة لنعيم الآخرة إلا إذا نسبت الذرة للشمس لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Donc ici le cheikh il explique que il n'y a pas dans cette dunya, dans ce bas monde, il n'y en a pas de délice comparable à ce qu'il y a dans l'au-delà. Hein? C'est-à-dire que les délices de l'au-delà sont yani, immenses et incomparables aux délices de cette vie d'ici-bas. Et il y a dans le paradis ce que personne n'a jamais entendu comme délice également, des beaux sons, des belles voix, hein, et des belles paroles, et des salutations. Hein. Il dit « Tahiyyatuhum fiha salam ». La salutation dans le paradis, c'est paix, hein? Salam. Donc, il n'y a pas de parole qui puisse offusquer quelqu'un. Il n'y a pas non plus de parole de péché ou de paroles qui sont mauvaises. Dans le paradis, ils n'entendent que paix. Hein, qui est répété. Et il dit, وَقَوْلُهُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Même un cœur, il n'a pas pu même comprendre ou savoir qu'est-ce qu'il... Il ne peut pas imaginer même qu'est-ce qu'il y a dans le paradis comme délice. Ça veut dire que ça dépasse même notre imagination. Hein? Et on sait à quel point les êtres humains dans cette vie, ils peuvent avoir des imaginations surprenantes parfois et imaginer toutes sortes de choses. Et on le voit par exemple si on regarde qu'est-ce que les êtres humains à notre époque ils ont réussi à créer comme univers virtuel ou comme toutes sortes d'imaginations qu'ils ont d'inventer des mondes bizarres et des créatures étranges. Et malgré ça c'est encore un niveau beaucoup plus inimaginable que ça. Le paradis, c'est encore plus beau et plus grand que qu'est-ce que tout être humain pourrait imaginer. Et donc, personne n'est capable d'imaginer ce qu'il y a comme délice dans le paradis. Et aucun cœur ne peut y arriver. Et il dit que tout ce qu'on a pu voir comme délice dans ce bas monde, comme paysage, comme beauté, ou peu importe, eh bien, par rapport à l'au-delà, il dit, le cher, c'est comme comparer un atome avec le soleil. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Et il dit, il cite le verset que le cher, il a mentionné, le verset 17 dans Sourate As-Sajda, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc il dit ce qui signifie, il n'y a pas une âme qui peut, aucune âme ne peut savoir ce qui a été caché, hein, ou qu'est-ce qui est, caché ou préparé dans le paradis comme plaisir pour les yeux, comme délice pour les yeux, comme récompense pour ce qu'ils avaient fait comme œuvre et comme action. Ensuite, le cheikh, il explique ce verset-là un peu plus en disant يعني فلا تعلم نفس نكرة في سياق النفي فأي نفس لا يمكن أبدا أن تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين أقر الله أعيننا وأعينكم بذلك. Il dit le mot qui est mentionné dans le verset فلا تعلم نفس, eh bien le mot nafs ici il est indéfini. Le fait qu'il soit indéfini et qu'il soit dans un contexte de négation, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, eh bien, ça veut dire que يعني, il n'y a pas une âme, peu importe, يعني, excepté qu'il n'est pas possible pour cette âme de savoir ce qui a été caché pour eux comme plaisir pour les yeux, comme délice pour les yeux. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, on lui demande qu'il nous permette, hein, ou qu'il permette à nos yeux ainsi qu'à vos yeux de pouvoir jouir de ces délices-là. Il dit ensuite wa qawluhu ta'ala jaza'an bima kanu ya'malun jaza'un 'azimun fi 'amalin yasirin wa fi al-hadith al-qudsi a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar hadhihi hiya al-jannah ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الكثير الأشجار الذي تغطي أرضه بالزروع وهواؤه بأغصان الأشجار لأنك لو قلته لهان النعيم حتى لو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها فإن جنة الآخرة ليست كذلك بل أعظم وأعظم بكثير ومن شاء البسط في هذا فليرجع إلى ما ألف في هذا. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé le paradis, et c'est une récompense pour ce qu'ils ont œuvré, ce qu'ils ont fait comme action. Et donc, il dit que ça, c'est une immense récompense, hein, pour un acte ou des œuvres qui sont faciles à faire. Donc, si on essaie de comparer, par exemple, la grandeur de la récompense par rapport à l'action qu'on a fait en échange, ou bien pas en échange, mais plutôt qu'on a fait pour pouvoir y arriver à ce paradis, eh bien, on voit que la récompense, elle est beaucoup plus grande, hein, pour les œuvres en comparaison parce qu'elles sont vraiment faciles et simples, ces œuvres-là. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith aussi que nul ne va entrer au paradis par ses propres œuvres seulement, mais uniquement par la grâce d'Allah. Hein? Et les sahaba, ils ont dit Ya Rasulallah, yani, même toi, tu ne vas pas rentrer au paradis par tes œuvres, seulement par la grâce d'Allah. Il a dit même moi. Donc ça veut dire que le paradis, c'est pas le prix du paradis, c'est pas uniquement nos œuvres, mais disons que nos œuvres sont une cause pour pouvoir rentrer au paradis. Sauf que sans la grâce d'Allah, même si tu avais toutes les œuvres, eh bien, tu ne pourrais pas y entrer. Parce que quand tu regardes les grâces que Allah t'a données, eh bien, une seule de ces grâces-là, si tu le mets dans la balance et que tu mets tes œuvres de l'autre côté, eh bien, probablement que ces œuvres-là, elles vont être légères à côté de la grâce d'Allah. Et l'exemple de ça, c'est mentionné dans un des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un homme a dit « Oh Allah, je veux rentrer au paradis par mes œuvres. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a dit « Non, tu ne peux pas rentrer par tes œuvres. » il a dit, regarde un seul œil. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a pris un de ses yeux et l'a mis sur la balance. Il a dit, regarde, la balance est beaucoup plus lourde. Hein? L'œil est beaucoup plus lourde. Cette grâce de la vue, elle est beaucoup plus lourde dans la balance que la valeur de ses œuvres. Donc, tu ne peux pas rentrer au paradis juste par tes œuvres. Il faut que ce soit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, le cheikh, il a dit, Naam, que, comme c'est mentionné, dans le paradis, il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le hadith al-Qudsi. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et ce que aucun cœur n'a jamais imaginé. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et ce paradis, le cheikh il dit, ce paradis-là, eh bien, on ne doit pas dire à son sujet que c'est un immense jardin avec des arbres et des branches et des fleurs et toutes sortes de choses de ce genre. Il dit parce que ça, si on dit ça, eh bien, c'est comme si on a dénigré les délices d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, même si on suppose que le mot « Jannah » dans la langue arabe signifie un jardin, eh bien, il ne faut pas penser que sa signification, c'est ça, un grand jardin immense. Non, parce que le « Jannah » de l'au-delà, ce n'est pas comparable à un paradis ou bien plutôt un jardin dans cette vie d'ici-bas. Parce qu'en arabe, le mot « Jannah », les ulama, ils disent qu'en arabe, le mot « Jannah » signifie « al-bustan ». Hein, al-bustan. Bustan, ça veut dire un jardin. Et le paradis, dans l'au-delà, c'est beaucoup plus qu'un jardin. C'est pas seulement un jardin. Et c'est pas comparable au jardin que nous, on connaît dans ce bas monde. C'est beaucoup mieux que ça. Et c'est beaucoup plus grand que ça. Et c'est immense, beaucoup plus que ça. Donc, on peut pas comparer par rapport à yani, les choses qu'on connaît dans cette vie d'ici-bas, par rapport à l'au-delà. Et il dit, donc c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus grand que ça. Et celui qui veut avoir plus de détails sur cette question, eh bien qu'il retourne aux livres qui ont été écrits sur ce sujet. Et parmi les livres que j'ai trouvé, par exemple, qui parlait du sujet du paradis, il y a un excellent livre écrit par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya qui s'appelle Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, c'est-à-dire le guide des âmes vers le pays, ou le pays des plaisirs ou des réjouissances, al-Afrah, le lieu où on se réjouit. Donc, le livre en question de Ibn al-Qayyim, il résume vraiment bien les questions qui ont rapport avec la croyance en le paradis et l'enfer, c'est en particulier au sujet du paradis. Sur l'enfer, il y a d'autres livres qui parlent de l'enfer, mais celui-là de Ibn al-Qayyim, il se concentre spécifiquement sur le paradis. Et mashallah, yani, c'est un livre, si tu le lis, eh bien, ça te donne vraiment envie d'y aller. Hein? Et ça te donne envie non seulement d'y aller, mais de faire tout ce qui est nécessaire pour essayer d'y arriver. Et le cheikh, il dit ensuite, والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. Donc le cheikh il dit que dans le feu c'est l'enfer et c'est la demeure du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a préparé pour les non-croyants, les injustes. Et il dit que c'est un châtiment, une demeure de châtiment dans lequel il y a des châtiments et toutes sortes de courroux et de supplices que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les mécréants et les injustes. Et on ne peut même pas imaginer non plus toutes les différentes sortes de châtiments qui sont dans l'enfer. Et le cheikh il explique ça en disant « Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » إنها فضلت على نار الدنيا على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءا أضف إليها تمام السبعين أضف إليها تمام السبعين فكل نار الدنيا نار الحطب ونار الغاز ونار الجازي نعم على أعظم ما فيها فإن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا ومن يتصور هذه النار نسأل الله العافية. Le cheikh, il dit que le paradis, le prophète, par rapport à l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il est plus fort que le feu de la vie d'ici-bas. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a 69 parties ou 69 degrés de chaleur ou d'intensité plus que le feu le plus grand feu que tu peux trouver dans cette vie d'ici-bas. Donc il brûle 69 fois plus que le feu de la vie d'ici-bas. Il dit, rajoute à cela pour compléter 70 degrés. Et il dit 70 parties. Et il dit donc, c'est si tu compares avec tous les feux que tu peux trouver dans cette vie d'ici-bas, le feu de bois, le feu de gaz, ou bien n'importe quelle autre sorte de feu, même les volcans ou autres, eh bien, tu trouves que le feu de l'enfer, il le dépasse par 69 parties. Et donc, qui peut imaginer ça le cheikh, il dit, on demande à Allah qu'il nous épargne. Amin. Le cheikh, il dit, « Wa qawluhu fihi min an-nakali ma la yakhturu ala al-bali » قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فإذا نضجت وصارت لا تحس من عذاب النار بدلت بجلود أخرى جديدة في الحال ليذوقوا العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها أقبلوا على شاطئ السلامة أعيدوا فيها وصار هذا أعظم في العذاب عليهم لأنهم لو بقوا مستقرين أيسوا وانتهى الأمر ولكن إذا أعلوا حتى يقولوا خرجنا يعني خرجنا أعيدوا وأركسوا فيها صار هذا أعظم العذاب والعياذ بالله وهكذا أبد الآبدين. Donc le cheikh il explique un point, il dit que on ne sait pas non plus, on ne peut pas imaginer les supplices que Allah subhanahu wa ta'ala a préparés dans l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 56 dans sourate An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Le cheikh il dit chaque fois que leur peau est calcinée, complètement brûlée, on leur donne une nouvelle peau pour qu'ils puissent goûter au châtiment. Donc ça veut dire que lorsque leur peau est complètement brûlée, elle ne sent plus le feu. Allah leur remplace de nouvelles peaux ou leur donne des nouvelles peaux pour qu'ils puissent sentir le châtiment de l'enfer. Donc ils brûlent constamment. C'est pas comme dans cette vie d'ici-bas. Si quelqu'un il brûle, éventuellement il devient de la cendre et puis après c'est fini. Mais le feu de l'au-delà, le feu de l'enfer, c'est pas comme ça. C'est pas un feu qui brûle puis qui s'arrête, ou bien, c'est pas un feu que dedans toi, tu vas te consumer complètement puis après tu disparais, non. Chaque fois que ta peau, elle finit d'être brûlée, il y a une nouvelle peau qui se remplace, qui vient par-dessus. Et tu brûles constamment et tu sens le châtiment et le feu qui te brûle constamment. Wal'iyadhu billah. Et donc, le cheikh, il dit, chaque fois qu'ils veulent en sortir, C'est-à-dire que chaque fois qu'ils veulent sortir de l'enfer, eh bien, ils y sont renvoyés, ils y sont ramenés. Donc, c'est-à-dire qu'ils essaient de s'enfuir de l'enfer ou de sortir de l'enfer. Donc, ils essaient de monter ou bien d'arriver jusqu'au bord pour essayer de pouvoir sortir. Et juste au moment où ils pensent qu'ils sont arrivés en sécurité, on les renvoie encore une fois dans le feu et dans l'enfer. Donc, ils ne peuvent pas s'en échapper. Et donc, ça devient un châtiment supplémentaire pour eux. Du fait que, yani, quand ils pensent qu'ils sont capables de sortir ou qu'ils sont capables de s'enfuir, eh bien, ils gardent un petit espoir de pouvoir être épargnés du châtiment. Toutefois, lorsqu'ils arrivent juste au bord, hein, de pouvoir sortir ou de penser qu'ils vont pouvoir sortir, on les renvoie dans le feu. Et là, ils perdent encore plus l'espoir et ils deviennent encore plus désespérés. Tandis que s'ils étaient tout le temps dans le châtiment et ils restaient constamment dans ce châtiment-là sans essayer de pouvoir en sortir, eh bien, ils auraient directement perdu l'espoir. Tandis que le fait qu'ils pensent qu'ils sont capables d'arriver à essayer de sortir des limites de l'enfer, eh bien, yani, le fait qu'ils y arrivent, lorsqu'ils arrivent en haut ou bien lorsqu'ils essaient de sortir, ils disent, ça y est, nous sommes sortis, nous sommes sortis. Et juste à ce moment-là, ils retournent dans l'enfer encore une fois. Donc ça fait partie des châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala a préparés. Et ça, ce qui fait que le châtiment, il est encore plus dur pour les corps des gens qui sont dedans. Ensuite, le cheikh, il cite des versets à ce sujet. Des versets au sujet du châtiment de l'enfer. Il dit, dans le verset 29, dans Sourate Al-Kahf, Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم. Donc ici le cheikh il cite ce verset et donc on va lire sa traduction dans Sourate Al-Kahf. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, hein, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Et le cheikh, il explique le verset, il dit, Wa qawluhu al-zalimin ay dhulmul kufri, la mutlaq al-zulm. لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها السرادق وهو عبارة عما يكون عند مدخل الباب يعني أن العذاب محيط بهم من كل جانب قال الله تعالى لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Donc il dit le cheikh, quand il mentionne les injustes, nous avons préparé un feu pour les injustes. Le cheikh il dit, les injustes ici, ce sont les injustes qui ont commis le kufr. Donc c'est l'injustice du kufr et non pas une injustice quelconque, n'importe quelle forme d'injustice. Parce qu'on sait que l'injustice, elle a des degrés et il y a différentes catégories d'injustice. Donc l'injustice dont il est question ici, quand il dit « al-zalimin », c'est ceux qui ont commis le kufr ou le shirk. « Inna shirk ala zulmun azim » Et il dit ensuite le cheikh, dans un autre verset, « wal kafiruna hum al-zalimun » Et les injustes, ce sont les mécréants. Donc ce sont eux les plus grands injustes parce qu'ils ont commis la plus grande injustice qui est le kufr. Ensuite le cheikh il dit a'tadna lidh-dhalimina, il cite le verset naran ahata bihim suradiquha. Nous avons préparé un feu pour les injustes dont les flammes les cernent. Hein? Suradiquha, il dit, As-Surdaq, il dit, ça signifie l'entrée d'une porte. Donc le cadre d'une porte ou l'entrée d'une porte, c'est-à-dire que le châtiment les enveloppe de tous les côtés et par tous les côtés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, ils auront, yani comme dans le, il cite le verset 16 dans Surat Az-Zumar, لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. C'est le verset 16 dans Surat Az-Zumar dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au-dessus d'eux ils auront des couches de feu et des couches au-dessus d'eux. Donc ils auront des couches de feu au-dessus d'eux et en dessous. Hein? Voilà ce qu'Allah menace ses serviteurs. Voilà de ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, hein, craignez-moi donc, ou bien préservez-vous donc de mon châtiment. Le cheikh, il dit, Naam, wa qawluhu ta'ala, wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwi al wujuh. Wa in yastaghithu, ولا بد أن يستغيثوا لأنهم يجدوا من العطش ما لا يخطر على البال وإذ استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والمهل هو رديء الزيت الذي يكون فوقه من أوساخه. الله المستعان. يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة يشوي الوجوه يعني قبل أن يصل إلى الفم فمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يشوي الوجه ويتساقط الوجه والعياذ بالله وإذا سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومع ذلك احيانا يعني يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجلود سبحان الله يعني فهناك سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم لانه دخل إلى الأمعاء. Donc il dit يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجلود سبحان الله هناك سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لأنه دخل إلى الأمعاء وها يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء ولكنه يصهرها يعني قال تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد أعاذنا الله وإياكم منها. يقول تعالى بئس الشراب وساءت مرتفقة صدق الله إنه بئس الشراب. Donc ici le cheikh il explique que si ils appellent pour demander qu'on leur donne de l'eau, ils vont appeler pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour leur demander qu'il fasse tomber de l'eau sur eux. Et le cheikh il dit ça c'est parce que ils ont tellement soif. Dans l'enfer, ils ont extrêmement soif. C'est une soif qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, lorsqu'ils demandent de l'aide ou lorsqu'ils appellent au secours et ils demandent de l'eau, on leur envoie une eau comme du métal fondu qui brûle leur visage. Et le terme qui est employé pour décrire cette eau-là, c'est comme al-muhl. C'est de l'eau comme al-muhl. Eux, ils l'ont traduit dans la traduction comme du métal fondu. Hein? Alors que ici, le cheikh, il explique que Al-Muhl, c'est en réalité une sorte d'huile qui est sale ou qui est mauvaise. Et que c'est comme, par exemple, l'huile qui est au-dessus de l'eau, dans laquelle toutes les saletés se rassemblent. C'est ça, Al-Muhl. Et donc, c'est une mauvaise huile qui sent, qui a une mauvaise apparence et qui a une mauvaise odeur. Et il dit, le cheikh, « Yashwil wujuh », c'est-à-dire, il grille le visage. C'est tellement c'est chaud, ça grille le visage, ça brûle le visage. Et donc, avant même que le liquide qu'il boit, qu'on leur envoie pour boire, avant même qu'il arrive à leur bouche, juste le fait de le rapprocher, hein, de la bouche ou du visage de cet injuste-là, que ça lui brûle le visage, ça lui grille le visage. Et donc son visage, il tombe. Wal'iyazu billah, il perd son visage, il fond. Et na'am, wa idha suqu suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Et lorsqu'ils sont donc abreuvés de cette eau-là, c'est une eau qui est extrêmement chaude, qui leur déchire les entrailles. Qui leur déchire les entrailles. Les entrailles, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ton estomac, ton intestin, tout ça. Hein? Les intérieurs, tes intérieurs, ils se déchirent. Tellement c'est chaud. Wal'iyazu billah. Et il dit, et malgré ça, hein, il dit, on leur verse parfois de l'eau bouillante sur leur tête. Et ils boivent une eau qui est bouillante dans leur ventre. Et on leur verse également de l'eau bouillante sur leur tête. Wal'iyazu billah. Et donc, comme c'est mentionné dans le verset, Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Ça, c'est dans sourate Al-Hajj. Le verset 20. Donc, c'est ça. Le verset dit, et ceux qui ne croient pas, on leur taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante. Hein? On leur taillera des vêtements de feu. Sur leur tête, on leur versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et ils auront des maillets de fer. Hein? Subhanallah. A'udhu billah. A'udhu billah min dhalik. Et donc le cheikh, il dit, donc ils vont être abreuvés d'une eau qui va leur déchirer de l'enfraille, qui va déchirer leurs entrailles, parce que ça rentre jusqu'à leurs entrailles. Et ainsi qu'on va leur verser de l'eau sur leur tête. Donc c'est ça. Yasharu, ça veut dire faire fondre. Donc ça va faire fondre. Cette eau bouillante qu'on verse sur leur tête, elle fait fondre ce qui est dans leur ventre ainsi que leur peau. Subhanallah. Et donc on verse sur leur tête cette eau-là. Et après il dit, waqal, walahum maqami'u min hadid. Et ils auront des maillets de fer. A'adana Allahu wa iyyakum minha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Quel mauvais breuvage et quelle mauvaise destination, quel mauvais refuge. Et Allah, il dit vrai ici, comme il est mauvais ce breuvage, hein, des gens de l'enfer. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit, rahimahullah, وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنِ وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الْآنِ وَلَنْ تَنْفَيَا تَفْنَيَا وَلَنْ تَفْنَيَا أَبَدًا أَبَدَ الْآبِدِينَ. يقول تعالى وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Donc il dit le cheikh, ces deux créations, le paradis et l'enfer, sont présentes actuellement, maintenant. Et elles ne vont jamais cesser d'exister. Elles ne vont pas périr ou disparaître. Et il mentionne à ce sujet-là les versets de 64 à 66 dans Sourate Al-Ahzab. Naam. Et le verset 11 dans Sourate Al-Talaq. Donc on va lire ces versets-là, le premier verset dans Sourate Al-Talaq. Et c'est le verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, ce qui signifie, « Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il les fera entrer sous des jardins. Il les fera entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a fait une belle attribution. » Et dans Sourate Al-Ahzab, et c'est le verset 64 à 66. Oui, 64 à 66. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, Allah a maudit les infidèles, c'est-à-dire les kuffars, et il leur a préparé une fournaise, hein, c'est l'enfer, pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni allié ni secoureur. Donc, le cheikh, il dit, hein, que ça, c'est un autre verset qui montre que le paradis et l'enfer, les deux sont préparés pour les croyants, donc ils existent actuellement. Et le cheikh, il dit donc que ça, c'est établi également dans la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est apparente, la sunna à ce sujet est apparente et très connue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à propos du premier verset, « وَقَوْلُهُ لَنْ تَفْنَيَا أَبَدَ الْأَبِدِينَ » يعني, ils ne vont jamais cesser d'exister. Le paradis et l'enfer ne vont jamais cesser d'exister. Ils ne vont pas disparaître. Hein? Et, يعني, cesser d'exister. Et il dit, « قَوْلُهُ » La preuve de ça, c'est le verset قوله تعالى يلدي ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا فالشاهد هو قوله ابدا هذا صريح في التأبيد ويجد وليا لا يجد وليا ولا نعم وهذا صريح في التأبيد وقوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الشاهد أبدا. Donc ici le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc comme preuve le verset en question pour dire que le paradis est éternel et l'enfer est éternel, les deux ne vont pas cesser d'exister. Et la preuve dans le verset, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque croit en Allah au jour dernier qui fait les bonnes œuvres, Allah lui fera rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et il dit, Allah lui a fait une belle attribution. Et il dit que, qu'est-ce qu'on veut établir comme argument ici? C'est la partie du verset où Allah dit, Abadan. C'est-à-dire pour toujours, hein, sans arrêt. Donc c'est la preuve que le paradis, il est éternel. Et ainsi que pour l'enfer, la même chose. L'enfer est éternel et la preuve, c'est dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah a maudit les kafirin. Ça c'est dans Sourate Al-Ahzab. Il a maudit les mécréants et il a préparé pour eux l'enfer, pour y demeurer éternellement, et ils ne vont y trouver aucun allié, aucun secoureur. Donc, la preuve, c'est Abadan dans le verset. Ensuite, il mentionne un autre point par rapport à l'autre verset, le verset dans Sourate Al-Ahzab. Il dit وقوله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ويلتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ليتنا ولكن التمني رأس مال المفاليس المفاليس وهذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان أما الآن فإذا انتقل الإنسان من الدنيا وعند انتقاله من الدنيا لا ينفع الندم فهذا فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المتقين انظر الذل والعار والخزي على هذا الخبيث الذي كان متكبرا على نبي إسرائيل كيف صرح الآن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف صرح الآن أنه متبع لهم بقوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولم يقل آمنت بالله ولا قال برب العالمين ولا رب موسى وهارون كما قال له كما قاله السحرة بل قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل كأنه الآن يقول أنا تبع لهم فأضل في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله ولكنه لم تنفعه. Donc le cheikh il dit il explique le verset le jour où on va renverser ou bien tourner leur visage dans l'enfer et ils diront malheur à nous, pourquoi n'avons-nous pas, si seulement on avait obéi à Allah et obéi à son messager. Donc ils disent, ya laytana, laytana ça veut dire, yani layta, ça veut dire yani malheureusement, yani malheur, pourquoi j'ai fait ça. Donc ils vont souhaiter ce jour-là, yani qu'ils avaient été croyants ou qu'ils avaient suivi le messager. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que quelqu'un est mort, il ne lui donne pas la possibilité de revenir sur terre. Une fois que tu es mort, c'est fini. Tu ne peux pas revenir. Et donc il dit le cheikh que les souhaits de ce genre et les espoirs de ce genre sont les capitales des personnes qui ont fait faillite. Al-mafalis, c'est le pluriel du mot muflis. Mafalis, le pluriel du mot muflis, qui veut dire quelqu'un qui a fait faillite ou qui a fait banqueroute. Et il dit, c'est ainsi donc que ce genre d'espoir ne leur profitera en rien. Il dit, et la raison de ça, c'est parce que c'est pas dans la période où il est possible de faire quelque chose. Il dit, si c'était dans la période où on est capable de faire quelque chose pour régler ça, comme pendant la vie d'ici-bas, si quelqu'un, par exemple, il est encore vivant et qu'il a commis des fautes et des péchés et qu'il a encore de la vie, il a le temps de se repentir et de demander pardon à Allah et de se corriger. Toutefois, une fois qu'il est mort, une fois que la vie est terminée, eh bien, ça ne lui sert à rien à ce moment-là parce qu'il n'est plus dans la période de possibilité de se repentir, puisque après la mort, on ne peut plus se repentir. Donc, il dit le cheikh, Donc maintenant, c'est trop tard. Et le cheikh, il dit, lorsque l'être humain, il quitte ce bas monde et qu'il s'en va vers l'au-delà, eh bien, il n'y a plus d'espoir pour le remords. Il n'y a plus d'espoir pour le remords. Il n'y a plus de bienfait au remords. Tu ne peux plus rien faire avec quoi que ce soit parce qu'il est trop tard. Tu ne peux pas te racheter ou te corriger ou te repentir. Et il dit, c'est ce qui est arrivé à Pharaon lorsqu'il a été noyé. Il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Sourate Yusuf, le verset 90, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Pharaon, il a dit, j'ai cru aujourd'hui. Donc, il dit maintenant, j'ai cru en la divinité, hein, en laquelle les fils d'Israël avaient cru, et je suis du nombre des musulmans. Donc, ça, c'est Pharaon qui dit ça. Younous. J'ai dit quoi, Youssouf? Ah, ok. Donc, c'est pas Youssouf, c'est dans Surat Younous, le verset 90. Et le cheikh, il dit, et on lui a dit, Al-An, c'est-à-dire dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, Al-An wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Donc il dit, est-ce que c'est maintenant que tu dis que tu es croyant, alors que tu as désobéi auparavant, hein, et que tu étais du nombre de ceux qui font le désordre sur la terre? Donc ça veut dire que ça ne sert à rien maintenant de vouloir te repentir, puisqu'il est trop tard. Hein? La période de la repentance, elle est terminée. Et donc, regardez comment Allah l'a humilié, et regardez la honte et l'humiliation que cet homme mauvais a subi à cause du fait qu'il s'est enflé d'orgueil vis-à-vis de yani, Bani Israël, les fils d'Israël. Les fils de Yaqub alayhi salam. Et comment il dit lui-même clairement, hein, comme il dit maintenant clairement qu'il suit, hein, les fils d'Israël dans ce qu'ils ont comme croyance en Allah. Il dit, au lieu de dire je crois en Allah, hein, et de dire ça y est, je crois en Allah, je reconnais le Seigneur de Moussa et le Seigneur de Haroun, non. Lui, qu'est-ce qu'il fait à la place? Il dit, je témoigne, ou bien je crois que rien ne mérite d'être adoré, excepté yani la divinité que les fils d'Israël ont, en lesquels les fils d'Israël ont cru. Donc, il ne dit pas, je crois en Allah, je crois au Seigneur de Moussa et de Haroun, à cause de l'orgueil. Encore là, il est orgueilleux, malgré qu'il est au bord de la mort, hein, il est en train de mourir, de se noyer. Mais il dit, ça y est, je crois en la ilaha, yani je crois que rien ne mérite d'être adoré excepté yani la divinité qui est adorée par Banu Israël. Et après il dit, le cheikh il dit que contrairement aux sorciers, les sorciers qui ont été envoyés par Pharaon pour essayer de compétitionner avec Moussa alayhi salam et pour essayer d'annuler les miracles qu'il a faits, eh bien, il constate que yani, cette chose-là n'est pas de la magie. Qu'est-ce que Moussa alayhi salam il fait quand il jette son bâton, et son bâton devient un serpent qui mange les autres, les cordes des autres. Il constate que ça ne peut pas être de la sorcellerie comme qu'est-ce qu'eux sont en train de faire. Alors, il témoigne qu'il croit en le Seigneur de Moussa et le Seigneur de Haroun. Tandis que Pharaon, lui, non. Il refuse de dire ça. Au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je crois en que rien ne mérite d'être adoré, excepté la divinité de Banu Israël. Donc encore là, on voit qu'il avait de l'orgueil même à ce moment-là. Et le cheikh, il dit, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond, il lui dit, maintenant tu dis ça, hein, tu dis je les suis, Et donc, ça, c'est la preuve que Allah, subhanahu wa ta'ala, en disant, en montrant ces paroles de Pharaon à ce moment-là, c'est pour montrer à quel point il a été humilié. Non seulement il va être humilié dans l'au-delà, mais il a été humilié dans cette vie d'ici-bas également. Wal'iyadu billah. Et il dit ça, ça ne va pas lui profiter. Et il dit, وَهَوْلَا يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ولكن لا يمكن هذا لا يمكن هذا ويقولون أيضا إذا وقفوا على النار يا ويلتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Donc le cheikh, il dit, donc ces mêmes personnes, ils disent, malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi à son messager. Mais il n'est pas possible pour eux d'obéir maintenant parce qu'ils sont déjà morts. Et c'est la fin pour eux, donc tout est fini. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils se tiennent devant l'enfer, ils disent ça. « Ya laytana nurad, ya laytana... » أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Et donc, si seulement, malheureusement, si seulement on avait obéi à Allah, on aurait obéi au messager. Le verset 27 dans Sourate Al-An'am. Malheur à nous. يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Si seulement nous pourrions être renvoyés dans cette vie d'ici-bas, une fois qu'on est mort. Ils sont dans leur tombe et ils disent, si seulement on pourrait être renvoyé dans cette vie d'ici-bas, wala nukadhiba bi ayati rabbina, et on ne va pas traiter les versets de notre Seigneur comme étant un mensonge, wa nakunu min al-mu'minin, et on serait du nombre des croyants. Et le cheikh il dit, wa qala ta'ala bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans le verset 28, dans Sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond et il dit, on va leur faire paraître ce qu'ils cachaient auparavant. Ce qu'ils cachaient auparavant. Et il dit, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même ces gens-là, même si on les avait renvoyés dans la vie d'ici-bas, une fois qu'ils sont dans leur tombe, même si on leur avait donné une chance et qu'on les renverrait dans la vie d'ici-bas pour reprendre leur chance encore une fois, revivre leur vie encore une fois, pour essayer de dire, par exemple, est-ce qu'ils vont être croyants, est-ce qu'ils vont se repentir, est-ce qu'ils vont faire des bonnes œuvres, eh bien, ils recommenceraient à faire qu'est-ce qu'ils faisaient la première fois. Ils ne changeraient pas vraiment. Parce que l'être humain, souvent, il est comme ça. Quand il voit le malheur, quand il voit la situation difficile ou le problème, il dit, ah, je me repens à Allah, j'arrête de faire les péchés, je vais changer ma vie, je vais faire le bien, je vais être bon. Et quand quand les problèmes s'arrêtent, et quand le bien revient, et quand la santé revient, et quand tout est normal, et là il revient à son insouciance et à son oubli, à son indifférence, et il oublie Allah comme il était auparavant. Et donc c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu lima nahu anhu wa innahum lakadhibun. Donc si on les avait renvoyés, ils seraient revenus à qu'est-ce qu'ils faisaient auparavant, et ce sont des menteurs. Donc on peut pas leur faire confiance. C'est comme un petit peu comme des gens qui ont des problèmes avec la drogue ou des problèmes avec l'alcool. À chaque fois, s'ils sont alcooliques ou s'ils sont accrochés aux drogues, ils disent, ah, ça y est, j'arrête, je ne vais plus prendre de drogue, je ne vais plus prendre d'alcool. Et aussitôt que dans leur vie, ils ont un problème, après, ils retournent à la drogue, ils retournent à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus tellement accrochés à ça qu'ils ne peuvent plus s'en détacher. Ils sont dépendants de la drogue. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est un châtiment. Hada adab. Et donc les gens comme ça qui sont pris de ce genre de choses, ils ont une attitude un peu comme ça. Et le cheikh il dit on va s'arrêter parce qu'il reste que 5 minutes avant la prière de Isha. Donc, on va cesser ici, Inch'Allah. Et puis, on continuera le prochain cours, bi'idhnillah, la suite. On a quand même fait, mashallah, presque 5-6 pages. En fait, les ulama, ils disent que ça, c'est deux termes. إِذَا افْتَرَقَ إِذَا اجْتَمَعَ افْتَرَقَ وَإِذَا افْتَرَقَ اجْتَمَعَ. Donc, des fois, ça peut prêter à confusion. Ça veut dire qu'ils peuvent parfois avoir le même sens et ils peuvent parfois avoir des sens spécifiques. Et quand est-ce que c'est un et quand est-ce que c'est l'autre? Eh bien, la règle, les ulama disent, quand ils sont ensemble, ils se séparent dans la signification, et quand ils sont séparés, ils se réunissent dans la... quand ils sont séparés, ils se distinguent dans la signification. Donc, quand ils sont séparés, ils se réunissent dans la signification. Quand ils sont ensemble, ils se séparent dans la signification. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu vois que dans un même verset, on mentionne iman et islam, ou mu'min et muslim, ça veut dire que dans ce cas-là, chaque terme, wa alaykoum salam wa rahmatullah, chaque terme a un sens spécifique. Islam, ça veut dire les actions du corps, et l'iman, ça veut dire la foi du cœur, quand ils sont ensemble dans le même verset ou dans le même hadith. Tandis que lorsqu'ils sont mentionnés séparés, dans un seul verset, tu trouves islam tout seul, sans mentionner l'iman, ou dans un autre verset, tu trouves l'iman mentionné tout seul, sans la mention de l'islam, alors là, dans ce cas-là, un implique l'autre. Ça veut dire que si dans le verset, il mentionne l'iman, ça implique l'islam aussi. Et si dans un verset, on mentionne l'islam, alors ça implique également l'iman. C'est-à-dire les actions du corps et la croyance du cœur, les deux réunis. Donc, quand ils sont séparés, leur sens est réuni. Et quand ils sont réunis dans le verset, leur sens est séparé. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم